Attention. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va. Mais ça va aller. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va. Mais ça va aller. Tu vois, Satio, DJ Jacob, Kesha. C'est ça la vie. Il faut travailler. Il faut travailler. Faut chercher. Faut bouiller. Faut décaler. Travailler. Décoller. Décaler. Oh. Travailler, décoller, décaler. On sait pas où on va, Satio. Mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. Mon frère, dans la villa, faut chercher, faut bouiller, faut travailler pour pouvoir manger. Et puis décaler, travailler, décoller. Papa, coupé, décalé, oh. Zachary, Zachary Monaga, Kiriwaka, Kiriwaka, Kiriwaka, Kiriwaka, Kiriwaka, Kiriwaka, à droite, il a marqué le bin away, à Keshade, il a marqué le bin away. Konami, assure le côté, assure le côté, afou, afouka, oh, c'est versé, wa. On sait pas où on va, c'est grand pour toi, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. Ça va aller, oh. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va. Chocanawa. Satie, coupé décalé. Ah, Satie, Kesha, Makodo Lombi, ya ya oh. Daouda Frayale, ya ya oh. Aïe, Marcel MJTX, l'homme fort. Josué Joss, Petit Bachengue. Ah, tu vois. C'est versé, ouais. J'ai dit, elle prend pour toi. Coupé à décaler. La travailler, décoller, décaler. Agnèque, oh. Ça, tu